Je suis à l'école des espaces solitaires. J'entends des élèves qui apprennent des couloirs. Il y a du monde. Je ne croise pas de voix, un visage et des bruits. Un peu loin, alors je cherche des cachets. Les oiseaux.